Chapitre 3e, la résistance. Le 26 février, les événements semblaient donner raison aux pessimistes. Verdun, évacué par la population civile et croulant sous les obus, allait-il donc devenir la proie de nos ennemis, qui ne pouvaient tolérer sa présence en face du camp retranché de Metz? Les Allemands criaient déjà victoire. « Encore un effort !» répétait le Kronprinz, « et la place est à nous !» Il appelait de nouvelles divisions et les jetait dans la fournaise. Cependant, le grand état-major français gardait son sang-froid. Stratégiquement, l'abandon de Verdun n'aurait pas eu de conséquences irréparables. Mais le général Joffre appréciait l'énorme importance morale que la bataille de Verdun venait de prendre dans le monde entier. Céder la place à l'ennemi eût été aux yeux des peuples un aveu de faiblesse, s'était avoué presque vaincu, imposé une épreuve dangereuse à la vaillance des alliés, donné aux Allemands un puissant réconfort. Ces raisons morales étaient si graves qu'elle reléguait au second plan les considérations purement militaires. Au reste, il pouvait être sage de prolonger une lutte qui avait du moins l'avantage de fixer l'effort de l'adversaire et d'absorber ses disponibilités. Sous le couvert de la bataille de Verdun, notre haut commandement était libre de poursuivre la préparation de l'offensive de la Somme, prévue, comme il a été dit, pour le 1er juillet. Les décisions de Joffre étaient dominées par deux nécessités difficiles à concilier, défendre Verdun et sauvegarder le plan d'offensive des Alliés. Dans les mois qui vont suivre, le généralissime sera souvent sollicité soit d'avancer la date de l'offensive combinée afin de dégager Verdun, soit de consacrer à la défense de la cité lorraine les réserves rassemblées sur les lignes de la Somme. Mais il se maintiendra inébranlable dans sa résolution et saura imposer à tous sa volonté. Le 25 février, le général de Castelnau, chef d'état-major, délégué par Joffre avec plein pouvoir, arrive à Verdun. La Meuse est débordée. Ses eaux forment de larges étangs, sous un ciel gris et bas, à travers lequel la lumière du soleil filtre péniblement. Les routes sont encombrées par de lamentables convois de civils qui fuient devant l'invasion. Verdun brûle et s'effondre, les nouvelles sont mauvaises, l'avance des Allemands se poursuit. Toutefois, les âmes fortes trouvent encore des raisons d'espérer. Si les Allemands gagnent du terrain, ce n'est qu'au prix de pertes énormes. Nos 75 les fauchent par dizaines à la fois. Nous avons perdu de bonnes positions, mais nous en conservons d'autres excellentes sur lesquelles la résistance peut se continuer avec la même efficacité. Que fallait-il pour sauver Verdun? Des renforts et un chef. Joffre et Castelnau allaient les lui fournir en appelant sur le champ de bataille la 2e armée et en confiant au général Pétain la direction des opérations. Le premier soin du nouveau chef est d'organiser les forces placées sous son commandement. Il règle l'arrivée des renforts et les distribue afin d'éviter l'encombrement et les déplacements inutiles. Il apporte une attention particulière à l'organisation du ravitaillement par convoi automobile et la machine, qui au début grinçait un peu, va tourner désormais sans un à-coup. Sous l'impulsion du général, on creuse de nouvelles tranchées, on construit des ouvrages, lance des ponts, multiplie les positions d'artillerie, on trace des routes, on répare et améliore celles qui existent déjà. Nous aurons encore de terribles combats à livrer. Nous connaîtrons encore des journées critiques. On peut dire néanmoins qu'à partir du 26, la bataille entre dans une nouvelle phase. Nous entreprenons partout des contre-attaques qui surprennent les Allemands, les obligent à reculer, eux qui croyaient déjà tenir la victoire, et l'annonçaient présomptueusement au monde entier. Une lutte furieuse se livre autour du fort de Douaumont, que nous réussissons un moment à cerner, mais dans lequel nous ne parvenons pas à reprendre pied. Les assauts allemands éprouvent d'autre part de sanglants échecs sur la côte du Poivre, qui reste jonchée de nombreux cadavres. Notre artillerie s'accroissait de jour en jour par l'afflux incessant de nos renforts. Elle luttait désormais presque à égalité avec celle de l'adversaire. Attaque et contre-attaque se succédaient sans interruption. Le village de Douaumont fut disputé une semaine entière, et le 4 mars, lorsque nous renonçâmes à le défendre, les Allemands n'en occupèrent que l'emplacement dévasté. Nous avions repris position à 200 mètres au sud. Quelques démonstrations de l'ennemi au pied des côtes de Meuse ne furent suivies d'aucune action sérieuse. Les Allemands savaient assez que ce rempart était infranchissable. La confiance en la victoire abandonnait déjà les chefs de l'armée allemande. Les prisonniers que nous ramenions dans nos lignes conservaient des assauts auxquels ils avaient participé une impression d'horreur ineffaçable. Le Kaiser, qui s'était flatté pendant quelques jours de faire à Verdun une entrée triomphale, était retourné à Berlin. Les critiques militaires de la Germanie proclamaient déjà que jamais le grand état-major allemand n'avait eu l'intention de percer le front français à Verdun, qu'il s'était simplement proposé de dégager ses lignes de communication au nord de la Veuvre et de prévenir une offensive des Alliés. Le général von Blum offrait sans rire à son public cet extraordinaire argument. La preuve qu'il ne s'agit pas de percer devant Verdun, c'est que l'attaque a été lancée dans la direction la moins favorable, celle d'une forteresse très puissante. Le Kronprinz s'obstinait pourtant. Il avait fondé de tels espoirs sur son entreprise de Verdun. Il y avait si bien engagé sa réputation, sa popularité, l'avenir même de sa dynastie, qu'il ne pouvait se résoudre à reconnaître son erreur. N'ayant pu forcer notre résistance par une attaque unilatérale sur la rive droite de la Meuse, il se décide enfin à attaquer sur les deux rives à la fois. Mais cette décision tardive ne lui permettra pas de réparer sa faute initiale. Nos positions de la côte 304, du Mortum, de Cumières et de la côte de Loie nous permettaient de canonner le flanc droit des colonnes allemandes qui marchaient à l'assaut de Verdun sur l'autre rive de la Meuse. Le Kronprinz jugeait nécessaire de faire disparaître cette menace. Ce fut un terrain fangeux où nos obus s'enfonçaient sans éclater que les Allemands s'élancèrent à l'attaque le 6 mars pour forcer la ligne du ruisseau de Forges. Ils passèrent sans grande difficulté le cours d'eau et parvinrent jusqu'au pied de la côte de Loie et à la lisière du bois des Corbeaux. Le 7, une division déborde la côte de Loie, marche à l'assaut de la côte 265 et progresse en subissant des pertes effrayantes. Du 7 au 10, des combats acharnés se livrent au bois des Corbeaux que nous devons finalement abandonner. Le 14, l'ennemi commence le bombardement de Mortum et de Cumières. À partir de 10h30, son artillerie déverse sur la lisière nord des bois bourrus, la région du Mortum et celle de Cumières, Mar et les routes d'accès, des obus fusants, percutants, asphyxiants, lacrymogènes, au rythme de 120 à la minute. Nos batteries, contre le récit officiel, qui avaient repéré les rassemblements ennemis au nord du bois des Corbeaux, dans les bois de Cumières et sur la côte de Loie, répliquaient de toutes leurs bouches à feu. Vers 15h, l'infanterie ennemie se mit en mouvement. Elle suivait immédiatement la marche du barrage d'artillerie qui la protégeait. Elle put ainsi atteindre nos premières lignes, où beaucoup de nos hommes étaient à demi asphyxiés et enterrés. Ceux qui restaient n'avaient plus les moyens de s'opposer à la prise de la côte 265. Mais le piton 205 demeura en notre pouvoir après une magnifique défense. Au cours de la nuit, nos contre-attaques nous en firent même dépasser le sommet et nous nous établîmes à contre-pente entre la côte 295 et Bétincourt, en contact immédiat avec l'adversaire. Les combats se poursuivirent ainsi jusqu'au 17 mars. Après cette date, une accalmie momentanée se produisit dans le secteur. L'ennemi, qui avait usé tant de forces, avait besoin de se reconstituer et d'appeler d'autres réserves. Tous les sacrifices consentis ne lui avaient pas permis d'étendre sa ligne jusqu'à Bétancourt et à Cumières, et le Mortum nous restait. Cependant, le Kronprinz ne perdait pas de vue ses objectifs de l'autre rive de la Meuse. Après avoir reformé son armée, il avait recommencé à exercer sur notre aile droite une nouvelle pression pour tâcher d'atteindre Verdun, qu'il persistait à nommer, en un langage faux et pompeux, le cœur de la France. Le 8 mars, l'ennemi prenait l'offensive à l'est du fort de Douaumont, gagnait rapidement du terrain dans la direction de Vaux et pénétrait un instant dans le village. Il en était rejeté presque aussitôt par une magnifique charge à la baïonnette et ne conservait qu'un pâté de maison à l'est de l'église où des luttes meurtrières se poursuivirent toute la journée. C'est après cette affaire que les Allemands commirent leur bluff le plus impudent. Leur communiqué du 9 prétendait que le 6e et le 19e régiment de réserve de Posen, sous l'impulsion du général von Gerezky-Kornitz, avaient emporté d'assaut le fort cuirassé de Vaux ainsi que de nombreuses fortifications voisines. Or, le fort de Vaux n'avait même pas été attaqué. Les Allemands, prenant leur désir pour des réalités, avaient annoncé prématurément la chute de l'ouvrage. Ils s'étaient mis dans un mauvais cas, dont ils tâchèrent de se tirer, en annonçant par la suite que les Français avaient repris la position. C'était là, pour le Kronprinz, une véritable avanie qu'il devait s'efforcer d'effacer. Il lança ses colonnes serrées contre les pentes que couronne le fort. Ses assauts aboutirent à un véritable massacre. Les cadavres s'amoncelaient devant nos réseaux de fils de fer. Sur toute la ligne Vaudou-Aumont, les attaques allemandes se heurtèrent à une résistance farouche qui leur coûta des pertes énormes. les renforts succédant aux renforts s'épuisaient en vain contre le courage de nos soldats. Les assauts se répétèrent de la sorte jusqu'au 11, sans que de si prodigieux sacrifices furent compensés par l'importance des résultats. Les journées de Vaux furent pour les Allemands parmi les plus meurtrières. Les vides causées dans leurs rangs atteignirent jusqu'à 60% des effectifs engagés. Le 16 mars, après s'être accordé une trêve indispensable, les bataillons allemands réformés se ruèrent de nouveau à l'assaut. L'ennemi avait encore exécuté une formidable préparation d'artillerie. Il ne devait rien rester, semblait-il, du village et du fort de Vaux après l'avalanche d'obus qui s'était abattue sur eux. Les chefs allemands croyaient n'avoir qu'à pousser leurs troupes pour occuper sans coup férir des positions si convoitées. Et pourtant, 5 attaques furieuses échouèrent successivement sur ce terrain chaotique où nos soldats se maintenaient avec une énergie admirable. La tentative, manquée le 16, fut renouvelée le 18. Les régiments du Kronprinz montèrent 6 fois à l'assaut. Les procédés les plus sauvages furent employés jusqu'au jet de liquide enflammé. Mais rien ne put avoir raison de la vaillance des nôtres, toutes les attaques furent encore repoussées. Après un tel effort, l'ennemi éprouvait le besoin de souffler. Un calme relatif succéda dans ce secteur à la bataille forcenée qui venait de se livrer.